Join me on RIG. RIG. Oh, la marche, c'est un contour de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est la saga. Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 459. Nous sommes le 17 juin 2020, c'est-à-dire que demain, c'est l'anniversaire de Paul McCartney. Eh oui, demain, monsieur a 78 ans et il est toujours là et on espère le voir en 2021 en concert. L'album de la semaine, c'est Abbey Road, la ressortie. Avec des chansons en plus, avec également des versions différentes. Et c'est ce qu'on va écouter ce soir. On va pas écouter les versions que vous connaissez, même si elles ont été améliorées. Il y a quelquefois un tout petit son en plus, trois fois rien, qui rajoute quelque chose. C'est vraiment très très bien. Je vous conseille d'acheter Abbey Road à nouveau. Ça vaut vraiment le coup d'oreille. Et donc on va écouter seulement les versions différentes. Par exemple, il y aura Come Together, la cinquième prise. Il y aura Something, la version studio. Il y aura I Want You, She's So Heavy. On ne peut jamais passer à côté, elle est trop bien. La version du Trident Studio. Il y aura Octopus's Garden, la prise numéro 9. Old Brown Shoe, la prise numéro 2. The Ballad of John and Yoko, la prise numéro 7. Et on finira par The Long One, qui est le medley de la face B, mais de manière alternative. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir en fin d'émission. Il y aura également du Paul McCartney, du Lennon, du Harrison, du Starr, comme par exemple Tomorrow sur Wildlife en 71 pour Paul McCartney. John Lennon nous chantera Jealous Guy sur Imagine la même année en 71. Quant à Ringo Starr, oui, si vous voulez, ce sera celui d'après. Ce sera Six O'Clock, la version longue. Je vous avais dit il y a quelques saga de cela, que dans la version longue, on entendait Paul McCartney à la fin. Eh bien, vous l'entendrez, je l'ai programmé exprès. Ça se trouve maintenant sur l'album Goodnight Vienna en tant que bonus. C'est sorti en 1974. Et donc, auparavant, parce que j'en ai sauté un sans le faire exprès, ce sera George Harrison avec Try Some By Some sur l'album Living in a Material World. Pour le reste, vous découvrirez. J'espère que ça se passera bien. Apparemment, Internet, ça marche pas trop. C'est dommage. J'espère que ça va s'améliorer. Et pour le reste, c'est en FM sur 90.7. Et on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. La première chanson de la saga qui commence maintenant, c'est Come Together, la prise numéro 5, les Beatles. Bonne soirée à toutes et tous. Stop. Bye. He shut his eyes and came out on Where No Shut Balls. Don't worry if you don't get the vocal, just keep on. Okay, sorry. Yes. I get very involved, you know. One, two, one, two, three, four. Oh no, sideburns, he's one spinal cracker. Doris Duckers. Ellie Wine. Yes. A man like him would have it. He's got teenage lyrics, he's got Hot Rod Bowley. Oh, I'm losing my cool. Apparemment, sur 90.7, ça fonctionne, sur la FM, mais sur www.rigfm.fr, c'est la loose, vous n'arrivez pas. J'ai les messages de tout le monde qui me disent « Thierry, où es-tu ? Ça coupe au bout de 10 secondes, c'est affreux, c'est un complot, que se passe-t-il ? Impossible de recevoir. On a essayé sur plusieurs sites, ça ne marche pas. » Bon, bah, vous aurez le podcast, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? L'ambiance va être moins bien, parce que moi j'adore quand je peux vous lire sur Facebook. Alors on continue quand même. Jealous Guy, c'est en 1971. C'est John Lennon sur RIG. Began Ce sera réparé d'ici la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ce sera le combat entre les Fab Four et Johnny Hallyday pour la dernière des dernières, avec Eric, pendant 4 heures à peu près, entre 20h et minuit sur RIG, le mercredi prochain. Et j'espère que vous serez là, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de rock and roll. La chanson suivante, c'est George Harrison et Try Some, Buy Some sur RIG. Way back in time, someone said try some.

Canada. Vous savez que quand je programme la saga des Fab Four, quelquefois, au dernier moment, je change quelque chose. C'est pour ça que je ne vous donne pas la playlist en entier tout le temps. De façon à pouvoir être réactif, je vous propose en exclusivité pour la saga des Fab Four le nouveau 45 tours, enfin non, le nouveau 45 tours, la chanson Young Boy du prochain album Flamin' Pie à venir fin juillet. La voici, la version démo. He's just a poor boy looking for a way to find love. It isn't easy, nothing you can say will help him find love. He has to do it for himself, and it can take so long. Here on your radio with Thierry Gallet. Celle-là, c'est un clin d'œil à ma copine Julie qui habite dans le nord, à droite là, et qui adore cette chanson Blue Sway, Paul McCartney, sur RG forcément.

can't take it from me. If they try, I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter, just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs, we would walk the city road, seeking someone who would listen to the music that we were writing down at home. But they can't take it from me if they try. Hearing noises we were destined to remember, we willed the thrill to never stop. Come to you when you look for them, and your inspiration, long may it last, may it come to you time and time again. Seems to have their own opinion, who did this and who did that. But as for me, I don't see how they can remember when they weren't where it was at. McCartney qui se rappelle de sa jeunesse en 2013 sur l'album New. En gros, il dit, ceux qui disent que qui a composé ceci ou cela, ben moi j'y étais, donc je sais qui a fait quoi et comment. Donc il faudrait venir me voir et puis me le demander, voilà, en gros. Parce qu'il a vécu ses journées, ses jours anciens, il y a si longtemps quand même, hein, début des années 60, même fin 57, à partir de là. Chapeau, monsieur McCartney. Voici Ringo Starr, une chanson que je passe rarement, donc j'en profite. Some People, sur l'album Choose Love. C'était en 2008. Oui, Choose Love, allons, 2008. When it starts to go wrong, and I feel like I can't go back, it's just a bump in the road, it's just a penny that's on the track. Some people can move on, some can let it go, but I can't. seems like we'll never be whole again. Like an oak in the wind, we bend a little bit now and then. Some people won't reach out, some people won't reach in, but I will, and you will, so we don't. Chance qu'à Ringo, c'est que sa voix ne bouge pas. Écoutez, en 1969, sur l'album Abbey Road, donc pratiquement 40 ans avant, voici Octopus's Garden, la prise numéro 9, il me semble aussi. Well, that was superb. Right, George. It's like mine. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come. Sorry, did I miss? I went wrong. Did I? I thought I heard you singing Octopus's Garden with John. I think I went into I'd ask my friends earlier. Or you. I sat around all day. I used to get stoned. To get wasted, but these days I don't, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Oh yeah. I walk around angry. I used to feel bad, but nowadays my day don't have to be sad, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Clear robin sing, walk a bluebell carpet, watch the children playing games, catch a moon and drop it, hear the gentle mantra roll on a frosty morning, see the mighty ocean break like a sailor's warning. Lots of good things to do. Oh yeah. Yeah. Throw a pocket full of coins in the Trevi fountain. See an ice cold running stream rushing down the mountain. Hear a newborn baby lamb calling for its mother. Watching reunited friends loving one another. I sat around all day. I like to get stoned. I used to get wasted, but these days I don't, 'cause I'm happy with you. Got lots of good things to do. Oh yeah. Paul McCartney en 2018 sur son dernier album en date, Egypt Station, avec cette superbe chanson Happy With You. C'est vrai que je suis content d'être avec vous depuis 36 ans déjà, tout au long de l'année j'allais dire, sur RIG en tout cas. Et nous arrivons à l'album de la semaine. Non, pas l'album de la semaine, nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson que John, Paul, Ringo, George, qu'ils soient en tant que Beatles ou en tant qu'individualité, ont chanté, même si eux-mêmes reprenaient quelqu'un, genre Little Richard ou Chuck Berry, je ne sais pas. Si eux, ils l'ont chanté, eh bien, moi, je vous présente quelqu'un d'autre qui chante, quelqu'un de célèbre ou pas, ça peut très bien être vous, d'ailleurs, ça va être le cas. Et c'est donc la cover de la saga des Fab Four. Aujourd'hui, il est célèbre, il a fait partie du groupe Téléphone, il s'appelle Louis Bertignac et pendant le confinement, il nous a sorti un très beau Here Comes the Sun. Le voici, merci Louis Bertignac. Smile. I'm not the regular Hesperus. Feel more like the wall of China. Getting old as Methuselah. Feel tall as the Eiffel Tower. I'm not a power of attorney, but I can rock as good as Gibraltar. Ain't no mono swing chicken. Big blood, but I'm still kicking. George Harrison sur R.I.G. Wreck of Hesperus, que vous retrouvez sur l'album Cloud Nine en 1987. Et si nous revenions à l'album de la semaine, c'est l'édition Super Deluxe de Abbey Road, sortie l'année dernière. Je vous propose seulement les titres différents pour une fois, et achetez cette édition parce qu'elle est vraiment très très bien. Vous entendrez non seulement les titres que vous connaissez, mais très légèrement remixés. Il y a souvent un petit bruit en plus, une petite parole en plus, qui donne un effet absolument fantastique. Mais, augmenté de cela, il y a des prises qui sont vraiment très agréables à entendre. Une en partie, celle que je vous propose ce soir. J'ai choisi de mettre toutes les chansons Beatles extraites de l'album Abbey Road. Ah bah oui, c'est comme ça, c'est l'avant-dernière émission, on se fait plaisir. Donc, voici Old Brown Shoe, la deuxième prise par les Beatles sur l'album Abbey Road, l'édition Super Deluxe, et c'est bien sûr sur RIG 90.7. Short-haired girl, sometimes worth it twice as long. Now I'm stepping out this old brown shoe. Baby, I'm in love with you. So glad you came here, won't be the same, now I'm telling you. You know you picked me up from worse and tried to drag me down. Your smile replacing every thoughtless frown. Got me a

John Lennon, plein de joie et de bonne humeur en 1973 sur cette chanson-là, Tied Us, avec un petit clin d'œil, un petit jet d'humour, on va dire, puisque Tied As, ça voudrait dire serré comme, et puis il explique après la raison. Ou Tied As, comme c'est écrit, il y a écrit le symbole du dollar, et qui devient un cul serré. Oui, mais enfin bon, il y a peut-être des jeunes qui écoutent, donc je vais rester poli. Voici George Harrison, avec les Traveling Wilburys en 1988. Ils étaient donc 5, Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne et Roy Orbison, qui malheureusement mourra avant le tome 2, qui n'aura pas lieu, puisqu'ils feront directement le tome 3, 2 ans plus tard. Et prenez des notes, je le dis presque à chaque fois que je passe les Traveling Wilburys, donc vous devriez le savoir. Le titre, c'est le titre justement qui a créé les Traveling Wilburys. Il devait faire une phase B, George Harrison, et il est allé voir l'un qui a dit « Ah oui, mais ça, je l'ai pas, c'est chez l'autre », qui est allé voir un autre, qui est allé voir Bob Dylan, qui avait un studio. Et du coup, ils se sont retrouvés tous ensemble et ils ont dit « Ah tiens, si on créait quelque chose juste pour rire ». Et ils ont créé cette chanson, « Handle with Care », qu'ils ont envoyée à la radio avec des noms bizarres. Les Traveling Wilburys avec Otis Wildberry, etc., etc. Bref, c'était un groupe inconnu, et ça a drôlement bien marché. C'est pas resté inconnu longtemps. Hein. Voici Handle With Care, les Traveling Wilburys sur RIG. Vous êtes avec Thierry Gallet jusqu'à 22h pour la saga des Fab Four. Situations changeable, situations tolerable, but baby you're adorable, handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give, won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed. In daycare centers and prenez l'antenne un instant sur 90.7, c'est la saga des Fab Four. Vous en avez raté 458, puisque c'est la numéro 459. Nous sommes le 17 juin 2020, c'est la veille de l'anniversaire de Paul McCartney qui sera demain et qui aura 78 ans. Bon anniversaire Paul McCartney. Du coup, voici une autre de ses chansons, il l'a sortie seulement en single, la face B de Home Tonight. Voici In a Hurry sur RIG. C'est le dernier McCartney en date, on peut dire ça. Time to look around. She was always one to worry and fret, staring at the ground. Every minute she'd be rushing, someone always breathing down her neck. Felt like everyone was pushing her down, keeping her in check. How could she leave? She's gotta stay. Somebody has to sit and wait. Deep in a dream, she is a voice. It's not too late to celebrate. Uncontrollable laughter, not too late to celebrate. Running round in her head, no one said you got to run. This is what she was after, not too late to celebrate. Not too late. Celebrate. No one said you gotta wait. Allow me to congratulate you, baby. It's never too late to celebrate. No one said you had to wait. Allow me to congratulate you, baby. She doesn't have to hurry. She can do exactly what she wants. Ask her why she doesn't worry or fret. This is her response. Uncontrollable laughter. Round and round in her head. This is what she was after. Allow me to congratulate you, baby. Never too late to celebrate. Allow me to congratulate. It's never too late to celebrate you, baby. Cette fin-là, ça donne envie de retourner dans les stades hein, pour voir Paul McCartney. J'espère qu'en 2021, il reviendra à Bordeaux. Qu'est-ce que j'aimerais le voir à Bordeaux ? Ce serait drôlement bien. Bon, revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Abbey Road, la super deluxe édition sortie l'année dernière. Voici The Ballad of John and Yoko, la prise numéro 7. Et juste après, il y aura l'une des plus belles chansons de John Lennon post-Beatles. Ce sera Woman, en 1980. Un string avec un put mal. Ok. It got a bit faster, Ringo.

many hurt it bad, lost everything they had. It's hard to know what we can do. Give more love, give more love. It's what we know we need more of. Something you can do. Give more love. Give more love. Give more love. So many times when hearts are broken. So many angry words get spoken. Let's all try to understand. Reach out a helping hand. Find a way to make it right. Give more love. Give more love. It's what we know we need more of. From the heart, let it start. To everyone, now it's up to you. There's something you can do. Give more love, give more love, give more love. Sur l'album éponyme Give More Love. À propos de Ringo Starr, j'ai oublié de vous dire depuis le début de l'émission qu'il va paraître début juillet un livre pour la première fois en français par Dominique Grandfils. Le livre s'appelle Ringo Starr, 80 ans, une chronologie commentée. C'est absolument passionnant, j'en suis certain. Enfin, un livre sur Ringo. Il existe des tas de livres sur les Beatles. Il en existe quasiment autant sur McCartney, un peu moins sur John Lennon et très peu sur George Harrison. Et enfin, un livre en français sur Ringo Starr. Pour la peine, on en remet une couche. Voici Magic sur le dernier album What's My Name de Ringo Starr. Take it. Franchement, c'est vachement bien. Il mériterait une meilleure place dans le cœur de tout le monde, je trouve, Ringo Starr. Parce que j'ai déjà entendu des présentateurs dire « Oui, oui, le dernier Beatles vivant, Paul McCartney. » Non, non, Ringo Starr est encore là, les amis. Allez, voici le The Long One, le medley qui va nous faire déborder autour de après 22h, puisque Eric a dit qu'il aurait un peu de retard, alors tant pis pour lui. Voici le super medley de la saga des Fab Four, remanié à l'occasion de l'édition Deluxe. Écoutez. Yellow lorry slow, nowhere to go.

and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Les love you, et à la fin, and in the end, the love you take is equal to the love you make. Ah là là, c'est la fin de la saga des Fab Four. Merci à toutes et à tous. Je vous laisse avec Eric. Et je sais que ça va être très très bien. À très très bientôt. N'oubliez pas, c'était l'anniversaire de Johnny il n'y a pas longtemps. Demain, c'est l'anniversaire de Paul McCartney, 78 ans. À très très bientôt. La semaine prochaine, donc, le match Johnny contre, amicalement, les Fab Four. Et ce sera très rock'n'roll, je vous l'assure. À très bientôt, salut.